musique actuelle dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarès, Le Progrès et la Vie. Rendez-vous à 5h. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1963, troisième émission. Il paraît que tous les contemporains du 22 novembre 1963, comme plus tard ceux du 11 septembre 2001, peuvent dire où ils étaient lorsqu'ils ont appris la nouvelle et ce qu'ils faisaient alors. En tout cas, tout le monde a en tête les images de cette journée, les photos couleur sang de l'attentat, puis celles de l'assassin présumé, à son tour, abattu quelques dizaines d'heures plus tard. Attentat, pour l'heure, pas encore assassinat, car bien sûr, les informations évolueront au fil des heures. Au micro, Raymond Tortora, tout de suite, une nouvelle en provenance des États-Unis, nouvelle que nous vous avons donnée il y a quelques instants au cours d'un flash spécial, il y a 5 minutes exactement. Attentat contre le président Kennedy à Dallas. Le président a été transporté à l'hôpital. C'est alors qu'il traversait en automobile le centre de Dallas, dans le Texas, qu'on a tiré sur la voiture présidentielle. Madame Kennedy accompagnait son époux. C'est elle qui s'est précipitée la première vers le président. Un photographe de la suite présidentielle a déclaré que le président Kennedy saignait à la tête. Je vous l'ai dit, il a été transporté à l'hôpital. C'est tout ce que l'on sait pour le moment. Bien entendu, nous vous tiendrons au courant dans la soirée et au cours de ce journal, bien sûr, des nouvelles en provenance de New York ou de Washington. D'ailleurs, nous attendons d'un instant à l'autre un appel de l'un de nos correspondants aux États-Unis, Jacques Salbert ou Michel-Pierre Texier. Je demande à la technique s'ils sont en ligne. Robert Cézé, vous êtes en ligne? Allô, New York? Oui, allô. Alors, nous vous écoutons. Eh bien, nous avons appris la nouvelle à peu près au même instant. Je viens d'avoir quelques précisions qui viennent de nous parvenir ici à New York. On sait que le président Kennedy et le gouverneur John Connolly, qui était avec lui, qui a été blessé comme le président, ne sont pas morts, mais qu'ils sont dans une condition que l'on de critique. Lorsque le président a été blessé dans sa voiture par une balle de revolver, il s'est immédiatement penché dans l'avant de la voiture, il est tombé et Mme Kennedy l'a relevé. Et immédiatement, la voiture s'est arrêtée, bien entendu. Il y a eu évidemment une grande confusion tout autour de cette voiture et on s'est aperçu que non seulement le président Kennedy était blessé, mais qu'également John Connolly, le gouverneur de l'État du Texas, et Lyndon Johnson. En ce moment, ces trois hauts personnages américains se trouvent à l'hôpital, un hôpital proche. Nous n'avons pas d'autres nouvelles concernant cet attentat. La seule chose que nous pouvons vous dire, c'est que à l'heure actuelle, nous venons d'apprendre il y a à peine une minute que selon un rapport de la clinique où se trouve le président Kennedy, ni le président ni le gouverneur John Connolly n'étaient morts, mais qu'ils se trouvaient dans une situation critique. On ne savait pas encore si on pourrait ou sauver l'un ou l'autre. Thank you. France Culture, les années 60. Aujourd'hui, 1963. L'année a été violente, comme toutes les années. En France, on considère que la jeunesse est violente. Enfin, pas tous les jeunes, bien sûr. Les copains sont sympas, comme il se doit. Mais il y a aussi les blousons noirs. Comment les différencier? Et puis, il y a également des graines de voyous, des malfaiteurs en puissance. Nous avons déniché dans les archives de l'INA un documentaire débat sur un certain type de fait divers, le hold-up. Les faits divers, on le sait, racontent une année aussi bien que le fait l'actualité, politique ou sociale. On s'en apercevra dans un instant. En attendant, un petit tour sur les plages, du côté des yéyés et des plus célèbres du moment. Ils s'aiment, ces deux-là, et ils se marieront 2 ans plus tard. Cela dit, leur tour de chant ne se déroule pas toujours dans le calme, ce qui semble réjouir les journalistes. Les idoles des jeunes commencent à avoir des ennuis lors de leur tournée de ville d'eau. De temps en temps, des troubles faits utilisent la surproduction agricole française pour marquer leur mécontentement. Dans certaines régions, on ne siffle plus, on a trouvé que le meilleur moyen de chahuter, c'était encore de couvrir le visage ou le smoking des vedettes de belles tomates bien mûres. C'est en tout cas arrivé à Johnny Hallyday, à Bayonne. Certains disent qu'il s'agissait de fans déçus, d'autres de croulants désabusés et humoristes. Notre correspondant Alain Salette a fait une enquête, il va nous en parler. Plus de 100 000 personnes étaient réunies aux arènes de Bayonne afin d'applaudir l'idole des jeunes. À 21h15, comme prévu, le spectacle commençait avec l'orchestre Rebrun, Henri Tissot, Los Machucambours. Et c'est l'entracte, il est 23h moins le quart. On annonce 15 minutes d'arrêt, mais devant les éprimements du public, l'orchestre d'ailleurs absolument remarquable des Golden Stars entre en scène à 23h15. Puis c'est Johnny Hallyday qui, ovationné, dissipe la mauvaise humeur de l'attente. Et il commence. Pan, une automate sur scène, arrêt. On repart, retomate lancée des gradas, re-arrêt. Johnny, si cela se reproduit, je quitte la scène. Nouveau jet et départ de tous sous les hurlements des milliers de jeunes contre les jets imbéciles. Tout rentre dans l'ordre avec la venue des CRS, la lumière qui dissipe l'anonymat et le retour de Johnny et son orchestre. Il est 23h25, jusqu'à minuit, une débauche de chants et de rythmes, succès considérable, le populaire chanteur s'est donné à fond, a compris son public et a une présence, un sens du rythme, un jeu, un dynamisme juvénile et sympathique qui ne peut laisser personne indifférent. Mais on disait ensuite à la sortie que les tomates avaient été soi-disant payées par le comité des fêtes de Bayonne afin de mettre l'ambiance ou bien peut-être également par Johnny Hallyday. Quand l'amour s'en va, Dieu, tout est fini. Dadu on run run, dadu on run. Ne pleurez pas, laissez tomber, tant pis. Dadu on run run, dadu on run. Oui, mon amour est mort. Oui, bien sûr, j'ai eu tort. Oui, j'aimerais encore. Dadu on run run, dadu on run. Quand l'amour s'en va, il s'en va pour de bon. Dadu run run run, dadu run run. Ne pleurez pas, on n'y peut rien au fond. Dadu run run run, dadu run run. Oui, elle m'a dit adieu. Oui, après tout, tant mieux. Oui, l'amour est un jeu. Dadu run run run, dadu run run. L'amour revient, on dit c'est pour toujours. Dadu run run run, dadu run run. Peut-être bien que ce sera vrai un jour. Dadu run run run, dadu run run. Oui, peut-être demain. Oui, adieu mes chagrins. Oui, j'aimerai sans fin. Dadu run run run, dadu run run. Yeah, yeah, yeah. Dadu run, run, run, dadu run, run. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dadu run, run, run, dadu run, run. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dadu run, run, run, dadu run, run. La castagne n'est pas terminée, l'été 1963 fut chaud, c'était ainsi la tournée des plages. Ah, les copains et les yéyés, on ne les oubliera jamais, la preuve. Les copains, un mot fort à la mode aujourd'hui. Les copains et aussi les idoles des jeunes bien entendu. Et j'en arrive tout droit à Johnny Hallyday et Sylvie Vartan qui ont connu chacun de leur côté de nouveaux incidents. Notre blonde Sylvie a été à nouveau chahutée hier soir pendant son tour de chant alors qu'elle se produisait à Pamiers dans l'Ariège en compagnie de Claude François. Mais Sylvie a tenu bon. Elle a continué à chanter malgré les sifflets, les huées et les colibés. Elle a chanté jusqu'au bout, mais elle a dû regagner son automobile sous la protection des CRS. Et elle est partie pour rejoindre ensuite Johnny Hallyday qui, lui, venait de chanter « Année dans les Basses-Pyrénées ». Et tout le monde, pour se remettre de l'émotion de Sylvie, décidait d'aller souper à Pau. Notre petite équipe descendit donc au buffet de la gare. Tout allait à peu près bien lorsqu'une bande de blousons noirs attaqua nos idoles. Une mêlée générale s'ensuivit, les coups pleuvaient de toutes parts, pendant que Sylvie Vartan était en proie à une véritable crise de nerfs. Quelqu'un voulut s'interposer, mal lui en prit, car Johnny Hallyday, le prenant pour un de ses agresseurs, lui envoya un coup de genou dans la figure et lui fractura le sinus. Le blessé n'est autre que le professeur de natation de la piscine de Pau. Johnny ensuite s'est excusé, mais le moniteur a porté plainte. Et Johnny Hallyday aussi. Toute la troupe est repartie pour La Rochelle, où elle doit se produire ce soir. Mais là, espérons que cette fois, tout finira par les yéyés traditionnels. Oublie ta peine, twist et chante, tous tes problèmes, et puis cet amour qui te manque. Oui, ne t'en fais pas, oublie tous tes ennuis, un autre amour va commencer, et demain tout sera changé. Ah, oublie tes larmes, puisse tes chants, oublie, oublie cet amour, puisse tes chants, Et maintenant, les faits divers. Dans la rue, sur le trottoir, dans les banques. De véritables petits films, en noir et blanc, en couleur. On imagine les jeunes bandits, délinquants en cravate, si ça se trouve. Relation des faits, micro-trottoir, débat, réflexion. Il est temps de nous intéresser à ce qui semble être alors un phénomène de société en pleine expansion, le hold-up. Première diffusion sur la chaîne nationale, le 7 mars 1963. Transmis en différé du studio Parnasse, les jeudis de France 3 nationale. RTF France 3 nationale présente Actuel. L'événement de la semaine, une émission de Violette Morin, préparée par Claude Brémond et Claude Frère, et présentée en public par Michel Philippot, avec la participation de Charles Basselon, Henri Raymond, Jacques Durand et Paul Paoli. Reportage, Elisabeth Garrigue, prise de son Gilbert Durand et Sam Nisviski, assisté de Monique Brenner. Aujourd'hui, le hold-up. Actuel est réalisé par Jean-Pierre Collat. Il semble que depuis quelques années, et tout particulièrement depuis la fin de la dernière guerre, le chiffre d'affaires de ceux qu'il est convenu d'appeler les gangsters est considérablement augmenté. Toutefois, le vol, qui autrefois était surtout illustré par un cambriolage aussi discret que possible, semble également avoir gagné, et gagné est évidemment un euphémisme, semble avoir gagné en brutalité. Le vol est généralement devenu une agression. Cette agression, pour être réussie, doit évidemment être la plus rapide possible. On croirait que tout se passe à l'image de cette dernière guerre dont un autre gangster célèbre voulait que ce fût une blitzkrieg, une guerre éclair, et nous assistons maintenant aux agressions éclair, qui a comme premier résultat de nous faire effectuer un léger larcin, celui-là à une autre langue, à la langue anglaise, puisque nous l'appelons le hold-up. Bien entendu, chacun s'inquiète de cet état de choses et je crois que ce que nous pouvons faire de mieux pour commencer, et de voir comment, d'une manière générale, réagit la presse, et donc d'écouter la petite revue que nous avons préparée pour vous. À peu près quotidiennement, la presse fait état d'informations de ce genre. À Rouen, deux gangsters en cagoule ont raflé hier 2000 francs au bureau de poste du quartier Saint-Clément, en dépit de la résistance de l'employé. Hold-up éclair hier vers 18h30 au bureau de poste de Houille. Quatre bandits masqués se sont emparés de 20 000 francs et se sont enfuis en deux chevaux. Les deux derniers clients du self-service sont partis avec la caisse. 2 millions en deux minutes, c'est ce qu'a rapporté aux bandits le plus gros hold-up de l'année. Plus de 3 millions pour les gangsters au cours de la deuxième quinzaine de décembre. Le scénario de ces attaques à main armée ne varie guère. À peine modernisé depuis les attaques de banques du Far West. L'effet de surprise, la rapidité d'action, la fuite organisée au quart de seconde près, le foulard sur le nez et le revolver caractérisent le déroulement de la majorité des hold-up. Il était 17h45 lorsque quatre gangsters armés, le visage dissimulé par un faux nez, une fausse moustache, firent irruption dans l'établissement où ils neutralisèrent un des deux gardiens, tenant en respect le directeur, ses trois employés, une cliente et un garçon de course. Un complice qui surveillait la rue blessa d'un coup de feu le second garde vigile. Qui sont ces hors-la-loi de 1963 ? Techniciens, aventuriers brutaux, voire assassins, dévoyés, pâles voyous, ils présentent les caractéristiques les plus diverses et les plus inattendues. L'un des bandits de Cannes, 700 000 francs de bijoux volés, tremblait tant qu'il perdit son colt. C'étaient deux minables, tristes et silencieux, vêtus de sombre. Le plus grand m'a braqué un gros revolver sous le nez sans rien dire. Il avait l'air malade. Micheline, 23 ans, blonde incendiaire. Et Louisa, 27 ans, brune aux yeux noisettes. Elles faisaient des hold-up entre deux biberons donnés à leurs enfants. Louisa allait au cou après avoir bordé ses fils, Jean-Luc et Patrice, 5 et 7 ans. Micheline et Louisa ont fini par se faire prendre, car les hold-up ne réussissent pas toujours. Hold-up pour rien à Bagnolet, la caissière était allée au lavabo avec ses clés. Une bijoutière de Saint-Denis a mis en fuite le bandit armé qui voulait lui faire remettre le contenu de son tiroir-caisse. Le malfaiteur, effrayé par les cris de sa victime, s'est enfui avec son complice. Il semble que, la plupart du temps, si les hold-up ratent, c'est grâce au sang-froid des victimes. Encore qu'il ne faille pas sous-estimer le policier français. Le policier, malgré tout, n'est pas toujours battu dans cette lutte. En 1962, les auteurs de 136 agressions sur les 314 commises ont été arrêtés, ce qui donne un pourcentage de réussite de 43%. À l'indice d'efficacité, le policier français précède, dans l'ordre, ses collègues allemands et anglais. La moyenne d'âge du policier en France est de 47 ans. Et c'est ce presque quinquagénaire qui trouve devant lui un adversaire jeune, mobile, cruel. Une douzaine d'inspecteurs seulement sont chargés de centraliser les enquêtes sur les plus graves hold-up. Mais, devant la recrudescence du banditisme, devant l'habileté et l'audace des gangsters, des mesures draconiennes ont été décidées, à technique, technique ennemie. Mesure numéro 1, pour lutter contre les gangs, réforme de la police. Un seul chef, moyens techniques accrus, rajeunissement des effectifs, formation accélérée de G-men français, voitures pièges disséminées sur l'ensemble du territoire. Pour lutter de façon plus efficace contre cette vague de hold-up, la Sûreté nationale souhaiterait étendre à l'ensemble du territoire les mesures de quadrillage, de contrôle et de surveillance déjà appliquées à Paris et dans le département de la Seine. Mais ce sont là des mesures curatives. Et les mesures préventives ne se situent-elles pas à un niveau plus profond, presque sur un plan moral ? L'indulgence de la justice, le cinéma, n'encourage-t-il pas les malfaiteurs ? Il y a trop peu d'arrestations spectaculaires. Et les bandits qui ramassent en quelques secondes ce que souvent ils ne gagneraient pas en une année de travail trouvent bien tentant de continuer. Comme au cinéma, un hold-up, ça paraît si facile. Quelques minutes seulement à avoir le cœur qui va plus vite, et après, des millions à se partager. Il n'y a plus de condamnation à mort, même pour un bandit comme celui qui, après le hold-up de la Feria à Bayonne, tua un CRS qui le poursuivait. Il y a trop de mise en liberté inconditionnel. Comme on ne pourrait guère le lui reprocher, vous voyez que la presse insiste évidemment sur le côté information directe, et tout particulièrement sur ce que cette information peut avoir de pittoresque, voire de sensationnel, aussi bien coup d'éclat des gangsters que rapport de ceux-ci avec certains événements politiques ou encore difficultés rencontrées par la police pour l'exercice de ses fonctions, etc. Tout ceci donc constitue une trame informative qui est reçue directement par le public, mais ce public, lui, comment réagit-il? C'est ce dont nous allons avoir une idée en écoutant la série de nos interviews. Que pensez-vous du hold-up? À cette question, posée à brûle-pourpoint, il n'est pas facile de répondre, à moins qu'on ait eu la chance d'être témoin d'une magnifique affaire. Vous voyez, je travaille justement dans une banque. Ça s'est passé à midi. À midi, ils sont venus avec des voitures. Ils les veulent, ils s'en font pas. Et comme ça, ça dépiste les policiers. Ils sont arrivés en voiture. Mais ça a été vite fait, hein. Ça a été vite fait, il n'y a pas pour longtemps. Les employés, d'un sens, ils se disent que c'est au risque de notre vie. Une balle suffit à blesser quelqu'un ou tuer quelqu'un, hein. Il y avait un revolver dans la poche, l'autre qui gardait la sortie. Mais le plus souvent, on ne parle du hold-up que pour pouvoir mettre en cause l'éternelle dépravation de la jeunesse. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez un pauvre type qui sort de son travail, il a gagné sa paye, l'électrique, il reçoit un coup de couteau, il reçoit un coup de revolver, on lui fouche sa paye, comme on dit purement et simplement. Ben, j'estime que non. Seulement, évidemment, c'est des mineurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur fasse, hein? S'ils sont arrêtés à 17 ans, on va les mettre en prison jusqu'à 21 ans, à 21 ans ils sont majeurs, on les juge. Et puis après, ils vont attraper 5 ans ou 10 ans et on les relâche. Et ces gars-là, malheureusement, ils ont des mauvaises fréquentations où ils sont. Et automatiquement, quand ils ressortent, ils recommencent. Plus ça va, plus la jeunesse, elle est plus pareille. Les jeunes de maintenant, hein, ils pensent maintenant, mais à leur avenir, ils pensent pas. Les jeunes, actuellement, sont d'abord beaucoup plus paresseux qu'autrefois. On les voit toujours à ne rien faire, à se balader avec des... bien mis, souvent, avec un certain genre. Ils veulent crâner les uns les autres. On les voit au café, ça coûte très cher. Les vieux comme nous ont fait attention. Et eux, on se demande où ils trouvent de l'argent. Plus ça va, plus il y a des hold-up et plus il y a des crimes de jeunes adolescents. Par exemple, un soir, ils disent qu'on va faire ce coup-là. Mais ils le font. Les responsables, ce sont d'abord les parents qui ne veillent pas d'assez près à l'éducation de leurs enfants. Les parents ne demandent pas aux garçons ni aux filles à quelle heure ils rentrent, à quelle heure ils sortent. Et puis un beau jour, on s'aperçoit qu'il est arrivé ceci ou cela. Et alors les parents, évidemment, comme toujours, disent « c'est pas possible, c'est pas mon fils qui a pu faire ça ». Et puis pourtant, ça y est, il est bouclé. Je crois qu'à la base, les parents n'ont pas assez de sévérité et d'autorité pour leurs enfants. D'une part, ils leur laissent la bride sur le coup, ils leur donnent de l'argent qui est pourtant bien difficile à gagner en ce moment. Et quand ils ont le malheur de rencontrer des fortes têtes dans leur petite bande de camarades, ils arrivent à tourner mal, voilà. Autre cause supposée de dévoiement, le cinéma, les romans de la série noire, les danses modernes. Ils font trop des films, des crimes. Alors les enfants, c'est bourre de crâne, vous comprenez? Ils vont au cinéma. Et en rentrant, ils disent « Oh, t'as vu celui-là, comment qu'il était ?» Je crois que c'est une grande influence. La jeunesse de maintenant, ils devront lire ces articles-là quand même. Ils devraient en mettre plus et expliquer aux parents qu'ils devraient garder leurs enfants à la maison. À entendre cette avalanche de lieux communs moralisateurs, justifiés ou non, on pourrait croire que l'homme de la rue ne s'intéresse au hold-up que pour pouvoir incriminer l'immoralité du temps. Mais il n'y a pas que cela. La réprobation du mauvais coup est pleine d'ambivalence. On est sensible à l'audace de l'exploit, à la virtuosité de la technique, à la précision de la mise en scène et de l'exécution, ou à leur piteuse carence. Le hold-up est aussi objet d'art et chef-d'œuvre sportif. Ce n'est pas moi, à mon âge, qui pourrais y aller, attaquer une banque. Hein. On est, bien entendu, des petits retraités. On a son jardin là-bas, et puis on vit avec nos produits. Hein. Les moyens employés, il y en a eu tellement, vous savez, tout était bon. Revolver, chaîne de vélo, tout ce que vous voulez, oui. Tout ça. Évidemment, j'ai jamais approuvé ça parce que j'estime que c'est du gangstérisme, c'est tout. Moi, mon idée, ça doit être des bandes qui savent déjà y faire. Vous lisez les journaux, est-ce que vous retenez les détails des hold-up? Ah oui, j'y tiens, oui, j'y tiens. Vous voyez, c'est des trucs qui me frappent plus que, par exemple, la politique, mais je ne m'occupe pas de la politique. Quelles sont les armes qu'ils emploient plus volontiers pour faire leur hold-up? C'est le couteau à grand arrêt. La première arme. Mais oui, parce que c'est une arme blanche. Et ça fait pas de bruit, premièrement. Moi, mon idée, c'est d'arrêter un coup de pistolet. Hein, les gens seraient affolés. Hein, les gens seraient affolés. Bon, ils auraient été groupés. Mais avec une arme blanche, vous savez, un couteau dans la poche comme ça. Hein, et quand ça sort, un coup d'arrêt, ça y est, c'est fini. Et après, le type, il s'en va. Mais les gens, ils restent là, ils savent pas quoi faire. Je crois que quand ils ont un mauvais coup à faire, ils s'en vont dans un autre quartier. Dans des quartiers commerçants, très dans le sentier, si vous voulez. Ou alors dans le 16e, peut-être dans les grands hôtels. Ça, c'est pas les mêmes bandes, là, n'est-ce pas ? Ce sont des spécialistes, c'est des gens qui travaillent proprement dans leur vilain métier, c'est ce que je veux dire. Tandis que par ici, ils sont des apprentis, en somme. Mais avant d'être maître, il faut être apprenti. Ils sont plutôt des isolés, je crois. Pour le menu fretin, maintenant, les grandes bandes, ça, c'est autre chose. Alors là, c'est organisé. Ils sont internationaux. Alors là, ce sont des as, alors, ces gars-là. Je crois qu'il a été rarement aussi vrai de dire que qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son, car vous voyez à quel point ce qui était livré au public par la presse apparaît différent de ce qui semble en avoir été retiré par le public. Pour revenir un peu dans notre sujet, je crois qu'il serait bon d'écouter maintenant ce qu'en pense Henri Raymond. D'abord, le hold-up, ça représente une catégorie de la série noire. Toute la série noire, ce n'est pas du hold-up. Il y a des histoires en série, il y a des drames humains, et il y a ce que j'appellerais le côté classique de la série noire, c'est-à-dire le hold-up. Comment ça se présente ? Eh bien, ça se présente comme le passage de la petite activité à la grande activité. C'est-à-dire, vous avez une série de personnages bien répertoriés, n'est-ce pas ? Vous avez d'abord le dur, n'est-ce pas ? Maturité, âge moyen, sortant éventuellement de tôle, ou tout au moins ayant vraiment roulé sa bosse. Et puis, vous avez le technicien. Le vieux, n'est-ce pas, retiré des affaires, mais à qui on va demander, justement, pour une grande occasion, de revenir, n'est-ce pas, travailler. Puis vous avez les jeunes, les deux jeunes, ou trois jeunes, mais enfin, en général deux, dont l'un sera chauffeur et l'autre tiendra le revolver en cas de coup dur. Le hold-up, dans la série noire, il est toujours extrêmement conventionnel et pour ainsi dire conventionné parce que en définitive il utilise les techniques de l'industrie américaine, n'est-ce pas, la conception, par l'imagination, la mise en place, puis l'exécution minutée. C'est au point d'ailleurs que beaucoup de romans américains ont des signes horaires, n'est-ce pas, pour montrer qu'à 14h02 la voiture débouche dans tel endroit, etc. Bref, ici l'acte en lui-même n'est là que pour provoquer l'apparition de la valise. Au fond, tout le hold-up américain, c'est l'apparition de l'argent, c'est le fait que, par un processus magique, il surgit en grosse quantité entre les mains de gens qui n'en avaient jamais eu jusque-là. Alors, voyez, pour toute cette bande, ce hold-up-là, le hold-up qu'ils vont faire, le hold-up classique, c'est l'occasion de passer du bricolage à l'activité importante. C'est un peu, au fond, ce qui pourrait arriver, n'est-ce pas, à un ouvrier spécialisé lorsqu'il rêve qu'il attire l'attention de la fille du patron et qu'il devient brusquement directeur général. Au fond, c'est l'apparition de la chance, du gros coup dans la vie quotidienne. Seulement, c'est la vie quotidienne du milieu, c'est-à-dire que ces gens-là font des postes d'essence, ils font des épiceries, et puis tout d'un coup, ils ont l'idée, n'est-ce pas, de s'en sortir. Et pour s'en sortir, alors, il y a le gros coup. À partir d'un certain moment, la valise devient l'objet clé, n'est-ce pas ? Parce que quand le hold-up est exécuté, on met l'argent dans une valise. Et alors, cette valise devient, si vous voulez, un objet qui a presque un contenu analytique. Il se promène, n'est-ce pas ? Et toujours, il évoque un monde. Toujours, il évoque des femmes très belles, des blondes splendides sur des plages extraordinaires où il fait toujours beau, etc., etc. Toujours, il transporte avec lui la totalité du monde. Et quand les gens ouvrent la valise, ils voient ce tas de dollars, et en même temps, n'est-ce pas, tout à fait, pour ainsi dire, à côté de leur vision, eh bien, il y a leur vision d'une existence édénique, n'est-ce pas, d'une longue promenade dans le monde à travers des endroits choisis. Au fond, tout le drame, c'est le passage de cette valise dans le néant. C'est-à-dire, tout le drame, c'est que cette valise va agir à la fois, n'est-ce pas, comme poison et comme exercice de l'imagination. Elle va tuer successivement tous les protagonistes du drame et, en définitive, elle finira dans le feu ou bien elle finira entre les mains de la police qui revient au même, etc., etc. Et nous venons de prendre connaissance avec un troisième aspect, l'agression éclair, le hold-up, le beau coup, qui prend cette fois-ci la force d'un mythe qui est analysé en tant que scénario type du roman noir américain ou du scénario de film policier américain. Et cela, bien entendu, ce mythe doit bien sortir de quelque part. Il est évident qu'il ne constitue pas un archétype lointain de la conscience des malfaiteurs ou des policiers, mais que s'il s'est construit, il a bien dû se construire à un certain moment sur une réalité qui a peut-être été embellie, qui a peut-être été transformée, qui a peut-être été enlaidie. Et je crois que nous pouvons demander tout de suite à M. Charles Basselon, qui est journaliste, de nous dire ce qu'il pense de la distance qui sépare précisément ce mythe du roman noir américain type de la réalité qu'il a pu être amené à approcher. Bah, mon Dieu, nous avons, comme aux États-Unis, des gangsters, mais ils n'aiment pas, ils sont bien de chez nous, qu'on les désigne par ce nom. Ils s'appellent eux-mêmes des truands. Ils n'emploient jamais le mot hold-up, ils disent braquage. Pour un revolver, ils disent calibre. Cet argot, des truands, est généralisé, est adopté par tous ceux qui pratiquent cet exercice, et on ne reconnaît les truands, leur origine, qu'à leur accent. Ce dont a parlé Henri Raymond, évidemment, s'applique beaucoup plus aux États-Unis qu'à la France. J'ai connu personnellement des truands qui ne sont pas là pour me démentir, car il leur est arrivé à tous malheur. Il y avait Federici, qu'on appelle empereur du racket à Montmartre, qui est allé se faire descendre à Marseille. Il y avait Salicetti, qui tenait un bar à Montmartre et qui était vraiment un homme de poids. Ce qu'on appelle un homme de poids dans le milieu, c'est quelqu'un qui compte. Salicetti se fait descendre à la porte de Pantin par son ennemi, ou les hommes de son ennemi, lequel est mort dans son lit d'un cancer il n'y a pas très longtemps. Je n'aime pas les gangsters, je vous le dis tout de suite. Le genre de vie, la psychologie diffère selon les individus, exactement, comme peut différer un employé de banque d'un autre. Il y a un gangster qu'on recherche, qu'on connaît, on sait ce qu'il fait, on sait qu'il fait des hold-up, des braquages. On n'a jamais pu le prendre sur le fait, et de ce fait, il est libre. Et il habite, voilà un exemple, par exemple, il habite dans l'Eure-et-Loire, où il a une maison. Il a un jardin. Il adore les roses. J'en ai connu d'autres qui aiment les pigeons. Lui adore les roses, les cultive. Et quand il y a un braquage à Paris, il vient, descend du train, va faire son travail, reprend le train, retourne chez lui, et personne dans son village ne se doute de ce qu'il est. Son nom n'a jamais été publié, et pour cause, on risquerait un procès, il n'y a aucune preuve contre lui. Et un jour, ce garçon est venu à Paris, descendu à la gare Montparnasse. C'est un petit bonhomme assez rondouillard et d'un aspect parfaitement inoffensif. Il est descendu à la gare Montparnasse, il devait y avoir un braquage, les flics étaient au rendez-vous et on dit on va le spister. Le braquage était décommandé, le petit homme a repris son train et les flics sont rentrés à la police judiciaire. Il y a le gangster méchant, vicieux, c'est celui que redoute précisément les hommes de poids, et qu'il dénoncerait à l'occasion s'il pouvait les connaître. C'est ce qu'on appelle les nouvelles bandes qui se sont constituées de telle façon qu'il n'y a pas d'indicateur parmi eux. Ce sont ceux qui font, qui tirent. Les hommes de poing ne tirent jamais, ou ne tirent qu'en cas d'extrême nécessité, parce qu'ils savent ce qu'il en coûte, lorsqu'on a blessé ou tué quelqu'un. Le gangster dangereux, le sont tous. Bah, à des titres divers, celui qui prend l'argent, mon Dieu, c'est pas beau, bah, il ne tue personne. Mais le gangster dangereux, c'est le jeune qui s'affole. On disait tout à l'heure, il est pâle, il tremble. À la moindre alerte, il tire, il tue. Ça s'est passé à Marseille pour une affaire extrêmement douloureuse, qui s'appelle l'affaire Arancio. Un garçon est condamné aux travaux forcés à perpétuité, dont je suis d'ailleurs convaincu de l'innocence. J'ai connu également à Marseille des gangsters. Ils ont des enfants. Ces enfants vont au lycée, font de l'équitation le dimanche, en sortant de la messe. Ils les élèvent de façon parfaite, parfaitement bourgeoise, mais ce sont des caïds. Des caïds qui veulent que leur fils soit avocat, soit journaliste, soit tout autre chose que ce qu'ils ont été eux. Ils gagneront beaucoup moins d'argent, d'ailleurs, les enfants, mais les parents ont des fortunes personnelles considérables qui sont investies d'ailleurs. Il ne faut pas oublier, négliger ce côté qui vient de l'Amérique, des États-Unis, ont des fortunes considérables qui sont investies dans des établissements, des hôtels, des actions, enfin, ce sont des fortunes parfaitement gérées, auxquelles s'ajoute accessoirement le trafic de drogue, qui rapporte pas mal. Merci, monsieur Vasselon, de nous avoir donné un aperçu d'une réalité que d'aucuns trouveraient peut-être plus prosaïque, mais que personnellement, je serais tenté de trouver pas plus poétique, mais plus pittoresque, dans un certain sens. Et je crois que le moment est venu de vous donner la parole. Est-ce que quelqu'un demande la parole ? Madame. Je ne remonte pas jusqu'à la cour des miracles et des voleurs de grand chemin, des détrousseurs de grand chemin, qui étaient aussi des braqueurs dans leur genre. Enfin, c'est un petit peu loin. Mais enfin, Al Capone et Dillinger, avant d'être des héros de roman, ont existé. Ils étaient dans la vie. C'est le roman qui s'est servi d'eux, c'est pas eux qui se sont servis du roman. Bon. Donc, en somme, ce qui est peut-être nouveau, ce sont les méthodes. Eh bien, mon Dieu, ce sont des méthodes qui se sont modernisées. Y en a-t-il tellement plus ? C'est beaucoup plus important, si vous voulez, au point de vue chiffre d'affaires. Je ne crois pas qu'il y en ait tellement, tellement plus qu'autrefois. Parce qu'il faut tout de même faire une distinction entre le cambrioleur et le braqueur. La part de la série noire et des films, pour l'imagination, peut-être. Mais ce sont des faibles, tout de même. Or, d'après ce que dit même M. Basselon, je crois qu'il est orfèvre en la matière. Les hommes de poids ne sont pas des faibles. Ils ne se laissent pas impressionner par la série noire et par les films. Ce sont plutôt eux qui fournissent la matière. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait prendre en considération aussi, c'est l'attention accrue que l'on porte à ce genre de méfaits. Parce qu'enfin, il est vrai que de tout temps, on a volé et on a dévalisé. Monsieur Jacques Durand a un point de vue sur la question. Ce n'est pas exactement sur l'évolution du hold-up à travers les âges, c'est plutôt sur l'évolution de l'opinion à l'égard du hold-up. L'Institut d'opinion publique a fait il y a quelques années une enquête dans la population parisienne afin de connaître l'opinion de la population sur ce problème. Et on a constaté, et c'est absolument étonnant, que si l'on pose la question suivante, si l'on demande aux gens s'ils pensent qu'ils pourraient eux-mêmes être victimes d'une agression, eh bien, il y a 62% des gens qui déclarent qu'ils pensent qu'ils pourraient être victimes. On constate d'ailleurs que ce pourcentage est un peu plus élevé parmi les femmes, qu'il est également plus élevé parmi les vieux et également parmi les personnes à faible niveau d'instruction. On a posé également une deuxième question, on a demandé aux gens quelles étaient les catégories d'individus qu'ils considéraient comme particulièrement dangereux. Un tiers des gens déclarent que ce qu'ils craignent particulièrement, ce sont ce qu'on appelle les blousons noirs. Il y en a à peu près un tiers également qui déclarent craindre particulièrement le terrorisme politique, et le reste se partage entre les fous et les sadiques, et les gangsters et les voleurs. Si on analyse de manière plus détaillée, suivant les catégories d'individus, c'est intéressant de constater, par exemple, que les blousons noirs sont craints surtout parmi les personnes âgées. Et il en est de même pour les gangsters. Inversement, le terrorisme politique et les fous et les sadiques sont craints davantage chez les jeunes et également chez les femmes. J'aimerais demander maintenant à Paul Paoli les éléments qu'il a apportés à cette enquête. Je ne peux que un peu me référer à tout ce qui a été dit. Il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. D'abord, puisque je suis supposé me consacrer à la littérature policière essentiellement, Est-ce que la littérature a une influence? Je crois qu'évidemment, tous les gens sérieux doivent répondre oui et non, mais surtout non. Parce qu'alors, la littérature est une littérature de faits divers depuis l'origine des temps. Le meurtre de Caïn et d'Abel me paraît le premier fait divers d'importance. Et ensuite, nous avons, mon Dieu, nous sommes une civilisation hellénique. Si vous prenez l'Orestie d'Eschyle, Dieu du ciel, quel massacre! Le fait divers est la base de la vie. Toutes les crises sont la base de la vie. La littérature doit forcément s'y intéresser. Au contraire, je dirais que le roman policier, loin d'être en soi un encouragement, est plutôt un frein, comme le football canalise les vertus guerrières et donne des règles à un jeu. Eh bien, le roman policier canalise tout ce sadisme, ce masochisme que nous portons tous, ce goût d'évasion, ce goût de vie différente. Et je crois qu'au fond, il y a certainement un effet bénéfique. C'est une espèce de tranquillisant. D'ailleurs, il est frappant que ce sont les hommes qui travaillent beaucoup, les intellectuels, des universitaires, des avocats, des gens qui ont une vie nerveuse très intense, qui se précipitent sur un roman policier le soir. Bon, certes, il y a les jeunes gens. La catégorie de hold-up dangereux, si je peux dire, ou sociologiquement important, c'est le petit hold-up. C'est le hold-up de tiroir-caisse où on vole 300 francs. C'est là qu'on tue. Ce n'est pas les gros coups. Parce qu'effectivement, je crois que les gros coups, ce sont des hommes de poids. Il peut y avoir des accidents. Mais le hold-up tragique, ce hold-up vraiment, qui est ce braquage, peut-être qu'il n'est même pas un braquage, car là, je crois que c'est un hold-up. Je crois que ce n'est pas une chose du milieu, qui est une chose vraiment très angoissante. Et elle est angoissante non pas en soi, mais comme le signe de quelque chose d'autre qui est angoissant. Ça, c'est la guerre. Ça, c'est dans certains cas la misère. Beaucoup la guerre, d'ailleurs. Je crois que les guerres, d'ailleurs, c'est statistiquement prouvé, sont accompagnées toujours de leurs vagues de hold-up. Quand on apprend la violence dans un sens, on l'apprend tout court. Quand on apprend la rupture de la famille, la rupture du métier, eh bien, parfois, on ne se réadapte pas. Le hold-up est vraiment le signe d'un profond déséquilibre social, du malheur social. Et non pas de la mauvaise littérature. J'aimerais maintenant que, malgré tout, notre public prenne la parole. Est-ce que vous avez, d'une façon générale, la sensation que vous êtes suffisamment bien protégé et que, quoi qu'il arrive, vous ne serez jamais victime d'un hold-up ou est-ce que vous vous dites, dans le fond, je n'ai pas assez d'argent pour que qui que ce soit essaye de venir me le voler? Monsieur, merci beaucoup. Si, constamment, il y a des effractions, même dans les maisons de Paris. Au 7e étage, dans mon immeuble, il y a eu plusieurs fois des effractions. Et c'est assez constant. Et je crois qu'il y a deux choses qui peuvent être incriminées. Le manque de sévérité dans l'éducation des enfants d'abord, et surtout le manque de sévérité dans la répression. La répression est totalement insuffisante. On voit par exemple des gens qui sont condamnés pour vol pour la 15e et 17e fois. Eh bien, ces gens-là devraient être éliminés de la société. La plus grande erreur qu'on a faite, ça a été d'abolir la relégation. Madame, je vous en prie. Je pense que à l'heure actuelle, la radio, les journaux, enfin toutes les manières modernes parlent beaucoup trop de toutes ces petites choses-là. Et pour toutes ces petites bandes qui ne sont pas de ces grandes bandes très bien organisées, qui sont les petits faits, alors je trouve que ça a une mauvaise influence sur eux, certainement. Cinéma, roman, toute la publicité que l'on fait dans certains journaux. Je crois que c'est néfaste pour les jeunes, les tout-petits qui sont encore en somme trop faibles, et qui par manque de bonne éducation peut-être ne résistent pas à cette tentation. Paul Paoli se sent justement concerné puisque lui-même est auteur. C'est-à-dire que les personnes adultes, n'est-ce pas, comme vous disiez, les hommes d'affaires très occupés, les avocats, toutes ces personnes qui se détendent avec un roman policier, ce n'est pas la même chose que les très jeunes qui maintenant ont pris l'habitude de lire tous ces livres-là. Et sur eux, je crois que films, publications ont de l'influence sur... Je voudrais vous répondre, je crois que là encore, il y a toujours l'éternel incriminé qui est le journal, le cinéma et le roman. Eh bien, je suis un provincial, je suis d'une province reculée, je suis du Massif central, et quand j'étais petit garçon, dans mon village, on chantait encore des complaintes. Toute la province française, pendant des siècles, s'est transportée jusque dans le bourg le plus reculé. Un crime était connu dans les 15 jours, dans le mois qui suivait, était chanté, commenté, devenait une épopée. Au sujet des livres de police, je crois que l'enlèvement du petit Peugeot, ils avaient pris leurs choses dans un roman policier. Dans les journaux, le sang à la une, vous savez très bien que c'est ça qui attire les gens, ça s'intéresse beaucoup. Et justement, quand il y a un crime en plus, et c'est arrivé, de jeunes gangsters avaient très envie d'avoir leur tête dans les journaux. Ils l'ont avoué eux-mêmes lorsqu'ils ont été, dans la cour. Ils ont dit, bien, nous devenons célèbres d'une façon ou d'une autre. Il y a une question de publicité. Pour eux, ils se considèrent comme des vedettes. Si on n'en parlait pas, eh bien, ça les intéresserait beaucoup moins, sûrement. Ce qui concerne les jeunes, justement, sur le dos desquels on est en train de casser du sucre copieusement, justement, pour ces jeunes, je n'accuse pas le roman ni le cinéma de les influencer, de leur montrer le mauvais chemin dans lequel il est facile d'entrer. Mais il faut reconnaître une chose qui est vraie, c'est que dans le cinéma et le roman, justement, il y a une certaine facilité qui est donnée, qui est démontrée. Je voulais répondre à une dame tout à l'heure qui disait que les ravisseurs du petit Peugeot, qui de toute façon auraient fait le rat, avaient lu cela dans un roman policier. C'est exact, mais ce roman policier était lui-même inspiré par un ouvrage extrêmement sérieux de deux juristes américains qui s'appellent Crime. Et il y a eu des guerres depuis 1939, enfin nous venons seulement de cesser d'être en guerre. C'était un appel à la violence. C'est ça qui entraîne les enfants. Mais il ne faut tout de même pas croire que les hold-up, enfin les braquages, sont faits uniquement par des jeunes. Les braquages organisés, enfin nous l'entendons depuis tout à l'heure, par des personnes qui sont qualifiées pour en parler, des journalistes et des personnes vraiment qui savent de ce dont ils parlent. Ce qui est sérieux n'est pas organisé du tout par les jeunes. C'est trop facile de taper sur les jeunes. Le jeune qui vole une voiture pour aller se promener et qui la ramène ou qui la laisse quelque part, ça n'est pas un braqueur, c'est tout à fait autre chose. Quant aux cambriolages, ils ont toujours existé, ils étaient beaucoup plus qu'autrefois. Et les vieilles personnes mettaient toujours trois serrures et trois cadenas à leur porte parce qu'ils avaient peur des voleurs. Alors, c'est trop simple de taper sur les jeunes. Il n'y a aucune raison, il faut tout de même comprendre ses responsabilités. Nous, adultes, nous avons tous notre responsabilité dans l'appel à la violence, dans la crise du logement, dans la crise de l'éducation nationale, dans la non-organisation des loisirs. Violette Morin. Dans ce hold-up national, il semble, d'après tout ce qui a été dit, que nous soyons en face d'un monstre à deux faces. Son ambivalence est facile à repérer. Il suffit de prendre les mots qui ont été dits. C'est l'art et la réalité, le classique et l'improvisé, le professionnel et l'apprenti, l'organisé et l'isolé, le scientifique et le bricoleur. Ces corrélations sont tout à fait modernes. On peut les retrouver dans d'autres phénomènes sociaux absolument hétérogènes entre eux, comme le striptease. Il y a un striptease professionnel et amateur. Il y a l'armée de métiers et l'armée de partisans. Il y a le commerce organisé et le petit commerce. Ce qu'il y a d'intéressant avec ce hold-up, d'après ce que nous venons d'entendre, c'est que il pourrait presque servir, il n'est pas le seul, il ne serait pas le seul à cet usage, mais il pourrait presque servir de stéréotype à toutes ces corrélations. Dans ces hold-up, dans ces deux hold-up, si nous prenons le hold-up scientifique, celui qui est fait par des as, il est organisé avec la tête et les jambes, la tête ce sont les adultes, les jambes ce sont les jeunes. Sans dire qu'il est l'imitation, il a dans sa structure la réalité, en effet, du hold-up américain série noire dont a parlé Henri Raymond. Et à ce titre-là, il a ses coefficients de gloire que on pourrait peut-être énumérer pour mieux voir ses coefficients d'immoralité. Un de ses premiers coefficients de gloire de ce hold-up fait par des as, de ce hold-up travaillé, de ce hold-up scientifique, c'est qu'il repose sur une science démographique et typographique du magot assez indiscutable. Le hold-up professionnel ne se trompe presque jamais. Ça, il faut vraiment une grosse faute. Il ne se trompe presque jamais, ni de caisse, ni de jour. Il connaît le flux et le reflux de la monnaie dans les caisses, le va-et-vient de ces caisses elles-mêmes. Il est très bien renseigné, c'est une science. Second de ces titres de gloire, si on veut, ce serait, comme l'a dit Jacques Durand, sa précision, ses précisions mathématiques, qui ne sont pas là seulement pour nous éblouir, mais qui ont un résultat tout de même psychologique. Ce résultat, c'est qu'elles abstractifient, en quelque sorte, le hold-up classique. Elles le déchargent, paradoxalement, d'affectivité, de subjectivité. On n'a plus affaire à un bandit à poursuivre. Durand disait, il y a la cassette, c'est l'or qui voyage, ce n'est plus le bandit qui s'enfuit. On n'a plus affaire non plus à une victime isolée, dépouillée, à plaindre. La victime y est le plus souvent une organisation, une banque, une caisse de dépôt. Et lorsqu'il s'agit d'un particulier, c'est un bijoutier. Et alors là, on lui vole des sommes si astronomiques que le chiffre finit par nous laisser froid. D'autant plus que le chiffre est élevé, plus les assurances sont là, comme on nous l'a précisé. Il y a eu tout un article uniquement sur les assurances à propos du vol du bijoutier de Cannes. Les assurances sont là et on s'habitue vaguement à cette idée que plus la somme, plus le magot est colossal, moins le volé va y perdre. Dans ce hold-up professionnel fait par des as, son côté record n'est pas à négliger dans ses titres de gloire. Il ne faut pas oublier que la presse nous le présente toujours sous la forme du « le plus quelque chose ». Il est le plus important en butin de l'année. Il est le plus audacieux en technique. Il est le plus rapide. Il est le plus sensationnel, etc. Dans cette période des records, de valorisation des records que nous vivons, ça n'est pas un des moindres appâts de ces hold-up que d'être toujours sous le sceau du record. Et n'oublions pas non plus ce qui a été dit ici par M. Paoli, c'est que finalement, plus l'hold-up est de classe, moins il est criminel. Hélas, il l'est encore. Mais si le coup est réussi, il ne doit pas y avoir de mort. Le hold-up scientifique est un hold-up propre. Il y a enfin le côté spectaculaire du hold-up. Spectaculaire par l'uniforme hold-upiste, il y a un uniforme, il est masqué, il est harnaché, il est mitrailleté, enfin il est bardé, et par la technique qui est traduite visuellement dans les journaux par des dessins qui sont assez analogues si on les compare aux dessins des manuels d'histoire sur les stratégies napoléoniennes. Bref, disons-le, le hold-up classique, le hold-up fait par des as, a sa gloire. Eh bien, l'envers de cette gloire, c'est qu'il a une infamie qui lui est finalement proportionnelle. Et c'est ici que, tout de même, ce hold-up échappe au hold-up série noire ou cinématographique, dans le réel d'un hold-up, au fond. Le public qui a déjà scotomisé, qui a déjà fait disparaître les individus, où la valise est beaucoup moins présente, le magot beaucoup moins présent qu'en littérature ou en art, cette fausse vision euphorique du monde qui suit cette valise, qui suit cet or en perspective, tout ça disparaît pour laisser place à des fautes plus graves, plus souterraines, qui pourrissent finalement, en hold-up classique, beaucoup plus que la société, qui pourrissent la nation. C'est beaucoup plus grave. Et d'ailleurs, le mot trafic le dit bien. Le mot trafic dans son sens le plus général, le plus noir. Trafic, on ne sait pas de quoi. En face de ces hold-up professionnels, nous avons donc le hold-up bricoleur. 2 minutes pour 2000 francs, il l'a tué pour 300 francs. Nous voyons arriver immédiatement alors les fuites à pied dans les ruelles. C'est beaucoup moins spectaculaire, enfin ça l'est encore tout de même. Les chaînes de vélo, les énervements, les coltes tremblantes et les risques de crime, comme on nous l'a dit, encore plus grands. C'est la victime qui est dépouillée de sa dernière paye, qui est réduite à la misère quand elle n'est pas blessée. Dans ces hold-up de bricolage et d'amateurs, on a investi finalement, puisque dans les interviews, les interviewés se sont immédiatement branchés finalement sur le petit hold-up, sur le bricolage. On a investi toutes les répulsions qu'on éprouve à l'égard de ces hold-up et j'allais dire les répulsions les plus faciles, puisqu'évidemment on le voit, les interviewés répondent immédiatement là-dessus, mais ce ne sont pas seulement les plus faciles, ce sont aussi les plus précises. Il est évident que, à juste titre, le gangstérisme, la délinquance juvénile, ce petit bricolage paie verbalement. Parce qu'en fait, le grand, on n'y comprend pas grand-chose. Le grand up, on ne sait pas par quel biais l'attaquer. Et au fond, c'est le petit hold-up de bricolage qui paie pour le grand. Vous venez d'entendre Actuel, l'événement de la semaine, une émission de Violette Morin, préparé par Claude Brémond et Claude Frère et présenté en public par Michel Philippot, avec la participation de Charles Basselon, Henri Raymond, Jacques Durand et Paul Paoli. Reportage Elisabeth Garrigue, prise de son Gilbert Durand et Sam Nisviski, assisté de Monique Brenner. Aujourd'hui, le hold-up, actuel et réalisé par Jean-Pierre Collat. C'était les années 60, aujourd'hui 1963, troisième émission, mixage Marie-Dominique Bougot, réalisation Annie Douelle, une émission de Philippe Garbi. À suivre.